Ukraine voulait travailler. Cerné par des hordes de capitalistes, t'as passé par une bande de vieux skins. Tu finissais pour être dans la rue du gros. Oh, toi, l'ancien punk, militant de l'anarchie en Chiraki, compagnon de route des opprimés, pauvreté, alcoolisme et liberté. Mais maintenant, tu t'es fait une place au soleil. T'as toujours cette décrète dans la tête, dans le cœur. Un blouson, un vieux patch au fin fond de ton armoire. Mais maintenant, tu t'es fait une place au soleil. Un punk, comment faire pour changer cette société? Ankylosé devant la télé, matérialiste avide d'hémoglobine, un grain de sable dans les rouages du système. Où aurais-tu oublié tes idéaux de fraternité, de justice et de liberté? Agréable de vivre dans une société où tu demandes de rien, mais tu t'ennuies. Fier de consommer pour exister. Mais maintenant, mais maintenant, tu t'es fait une place au soleil. T'as toujours cette vieille crête dans la tête, dans le cœur. Un blouson, un vieux badge au fin fond. Au soleil. Mais maintenant, tu t'es fait une place au soleil. T'as toujours cette vieille crête dans la tête, dans le cœur. Un vieux badge au fin fond de ton armoire. Mais maintenant tu te fais une place au soleil. Une place au soleil. Une place au soleil. Au soleil. Rien sur toi là.